Oh yeah, it's playback time! Bienvenue à Playback, une capsule à voyager dans le temps qui vous retourne vers la décennie 80. Aujourd'hui, le format mixtape volume 3. En cet épisode 3, saison 2, je vous réserve toujours un choix musical aussi éclectique et varié dans les styles. Mais par moment, je vous présenterai une sélection un peu plus inusitée, c'est-à-dire un choix de chansons qu'on entend plus rarement de nos jours. Mais bien évidemment, il y aura toujours des très connus, mais il y aura aussi des petits trésors cachés. Donc, restez avec moi, car tout au long de l'émission, on aura entre autres des blocs rock, funk et francophone avec votre animateur Pat Moore. Préparez vos petites cassettes pour enregistrer car je ne vais pas trop parler dans les débuts ni les fins de chansons. J'ouvre l'émission avec un bloc de Deep Cut et la première est de 1981 et c'est une pièce intitulée « Donnez-moi du feu ». Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Nostalgie Playback Radio 80. Aujourd'hui, c'est le format Mixtape Volume 3. Le mixtape, c'est lorsque je vous mélange tous ces beaux styles musicaux de la décennie et c'est lorsqu'il n'y a pas un thème précis. Dans le fond, je vous présente tout ce qui me tente. Le but premier à Playback reste bien évidemment de vous replonger dans vos vieux souvenirs, mais aussi mon gros fun, c'est d'aller chercher la toune que vous avez peut-être oubliée ou qui reste cachée dans votre subconscient. Et pour certains, il y en a qui peuvent découvrir une pièce pour la toute première fois, malgré son ancienneté. C'est la beauté de la chose, la musique, c'est intemporel. Alors, le tout premier bloc avait débuté avec la chanson « Donnez-moi du feu » d'un artiste du Danemark dénommé Kim Larsen. Et cette pièce est tirée de son quatrième album intitulé « Jungle Dreams » de 1981. « Donnez-moi du feu » est un de mes deep cuts de l'épisode, puisque c'est une pièce qu'on n'entend carrément plus maintenant. Et c'est vers la fin des années 70, début 80, que Larsen quitta l'Europe pour s'installer à New York pour lancer une carrière américaine. Et il a lancé deux albums sur l'étiquette CBS lors de son périple américain. Et « Donnez-moi du feu » avait quand même eu un certain succès, particulièrement ici au Québec, puisque la chanson avait été en forte rotation sur les radios québécoises vers 1981. Mais malheureusement, la carrière américaine de Larsen n'a pas pu prendre son envol. Il est alors retourné dans son pays natal, où il a connu une importante carrière musicale. Et Larsen est décédé le 30 septembre 2018, à l'âge de 72 ans. La deuxième pièce était de nul autre que Madonna avec Burning Up, le deuxième extrait de son tout premier album intitulé Madonna de 1983. Cette chanson en est une autre qu'on n'entend pas très souvent de nos jours, et à sa sortie, elle n'avait pas reçu tant d'éloges ni de succès commercial. Par contre, dans les dance clubs, c'était autre chose. La pièce avait réussi même à se faufiler dans les palmarès américains des meilleures chansons dance club. Et c'est pas mal de cette façon-là que la carrière de Madonna s'est développée, via ses fameux dance clubs, le bouche-à-oreille, bref, de façon très organique, je dirais, sans grosse machine de promo derrière elle. Comme on dit en anglais, Madonna was self-made. Une jeune femme très ambitieuse qui s'était installée à New York pour une carrière en danse, avant de se lancer dans la musique et pour finir comme une des femmes les plus importantes de la musique populaire, une des plus grandes figures pop des années 80-90, elle qui a toujours su se réinventer d'un album à l'autre et de pousser les limites et les tabous. Ce tout premier album de Madonna est mon préféré personnellement, avec ses sonorités quelque peu « new wave » à certains moments, tout en conservant ses éléments très « dance music ». À part « Burning Up », on y retrouvait de nombreux succès comme « Borderline »,« Holiday »,« Lucky Star » et « Everybody ». La troisième du bloc était un autre excellent deep cut, cette fois-ci de Kim Carnes, avec la chanson intitulée « Voyeur », tirée de son septième album du même nom en 1982. Et cet album avait eu une réception plutôt mitigée de la part des critiques en voulant le comparer à son album précédent « Mistaken Identity », qui avait eu un énorme succès grâce à son plus gros hit en carrière, « Betty Davis Eyes », que je vous ai passé récemment à l'épisode « Classic Cover ». Bref, sur Mistaken Identity, Kim Carnes avait introduit un style beaucoup plus synth-pop, mais sur l'album Voyeur, c'est encore plus poussé. Malgré les critiques mitigées, Voyeur reste un très bon album, selon moi. C'est pas seulement un album synth-pop, mais il y a beaucoup d'éléments rock. Et que dire aussi de sa voix aussi distincte, cette voix rauque et rock, justement, la voix de Kim Carnes, sa voix qui est souvent comparée à celle de Rod Stewart ou de Bonnie Tyler. Et la chanson Voyeur avait atteint les palmarès dans 9 pays différents, mais sans réussir à se placer dans les top 10, à part seulement en Norvège. La quatrième était du groupe New Wave, A Flock of Seagulls avec Space Age Love Song, deuxième extrait de leur tout premier album éponyme de 1982. J'ai déjà parlé d'eux lors de mon mixtape volume 2 et je vous ai passé leur plus gros hit, I Ran. Mais Space Age Love Songs est la deuxième pièce qui nous revient en tête quand on pense à ce groupe du Royaume-Uni. Le succès de cette chanson a été beaucoup moins retentissant que I Ran. Par contre, c'est une pièce qui a très bien vieilli, ironiquement. C'est une chanson qui peut facilement apparaître dans les 80s playlists, Et ce band qui a souvent été source de critiques et même de parodies, dû à leur esthétique et leur look quelque peu caricaturé, même pour les années 80. Mais Flock of Seagulls reste un des groupes assez influents du mouvement New Wave Synth Pop en incorporant un son très électro avec beaucoup de synthétiseurs. Vous savez, bien évidemment, le synthé est presque synonyme des années 80. Et cette mode du synthé commençait justement au tout début des années 80. Mais Flock of Seagulls savait se distinguer de leur père en entremêlant des éléments de guitare électrique dans leur son et en incorporant beaucoup de mélodies accrocheuses. De cette façon-là, ils réussissaient à créer un son beaucoup moins statique ou moins froid. Alors, c'est le temps de repartir le bloc numéro 2 et de mettre un peu de groove dans ce show. Je vous repars ça avec un beau bloc funk. C'est le temps de se faire aller, gang. So come on, everybody. Let's hit it with some Rick James. always good for the gander. Irish sailor. Say. Tour de Travers. The double dutch bus is on the street. You better get off the curb. Move your feet. Bus fare, transpass. That's the way my money lasts. Ain't got no car to get around. When I go to work, I gotta go downtown. Now I miss my train. That's a common shame. When I'm running late, no streets to blame. If you got a wife, you know I'm right. You got a special man. Well, I can understand. Uptown, downtown. Everybody's getting down. Say uptown. Say downtown. Well, I miss my bus. I gotta do something I know I hate. I'm gonna walk to work. 15 blocks, I already got a hole. If I go ahead and laugh, that's okay. Cause what I really wanna say, I got bad feet, my coins hurt. Just top it off, I'm late for work. Let me tell you what I say when I'm dealing with a broken sidewalk. I say, shh, sugar. Is that gizzards? Yes, or is that the mizzle? Is that the wizzy? Sizzle the gizzard and gizzy bizzass fizzle. Vous êtes à Playback avec votre animateur Pat Moore. On vient de terminer ce deuxième bloc à saveur très funk et on a débuté avec Rick James avec Give It To Me Baby, tiré de son cinquième album intitulé Street Songs de 1981. Give It To Me Baby était le premier gros succès de James à atteindre le sommet des palmarès. Son deuxième énorme gros succès était bien évidemment Super Freak que je vous ai passé lors du mixtape volume 1. Ces deux hits étaient tous les deux du même album Street Songs et restent les seuls plus gros succès en carrière pour Rick James. Rick James était reconnu comme étant assez party animal. Sa dépendance à la cocaïne et au crack augmentait durant les années 80 et rendu à la fin de la décennie, sa carrière est en chute libre. Il a perdu son contrat de disque, il a fait de la prison, bref, pas une vie de rockstar très facile et finalement, il est décédé en 2004 à l'âge de 56 ans. Pour la deuxième pièce du bloc, je vous ai présenté la chanson Oh Sheila d'un band R&B du Michigan, Ready for the World. et cette pièce est tirée de leur premier album éponyme de l'année 1985. Oh Sheila est une pièce que j'aurais pu vous passer lors du spécial One Hit Wonders, puisque c'est pas mal la seule chanson du groupe à avoir atteint le sommet des palmarès. Ils ont réussi à sortir quelques autres extraits qui se sont taillés une place dans les palmarès R&B, et vous avez sans doute remarqué des influences ou des ressemblances flagrantes à Prince et Michael Jackson, mais je trouve que c'est particulièrement ressemblant à Prince. Et en parlant de Prince, la troisième du bloc était, ben oui, de Prince, avec la chanson Controversy, tirée de son quatrième album du même nom en 1981. Une chanson hybride New Wave Funk Rock, entièrement produite par Prince en grande partie dans son studio personnel. On a entendu ici la version écourtée, puisque la version de l'album durait 7 minutes 14. Dans la version intégrale, Prince se met à réciter le Notre Père en anglais, et cela avait été très mal reçu par plusieurs, considérant que c'était du blasphème, dû à l'image de Prince et ses sujets souvent à connotation sexuelle. Mais dans le fond, Controversy ne faisait qu'adresser les spéculations que le public portait déjà sur Prince dans sa toute jeune carrière en 1981. Je vous ai passé du Rick James dans le même bloc, et ironiquement, c'était le grand rival de Prince à cette époque, avant que le prochain grand rival de Prince soit Michael Jackson. Et je vous ai ensuite enchaîné ça avec le single Double Dutch Boss de Frankie Smith en 1981. Frankie Smith était au départ un compositeur pour différents artistes soul comme The OJs, entre autres. Avec la pièce Double Dutch Boss, qui soit dit en passant n'était qu'un single ou un 45 tours, tiré d'aucun album, il a réussi à influencer des rappers comme Snoop Dogg, Ice Cube, surtout pour son utilisation des slangs dans cette pièce. Cette chanson qu'on entend pratiquement plus jamais avait réussi à grimper le top 10 des palmarès américains et canadiens à l'époque, un vrai de vrai One Hit Wonder. Je vous ai parlé de rap? Parlons-en de rap! Une première à playback, un bloc hip-hop, mais du bon vieux hip-hop, du old school 80s hip-hop. Et on commence ça avec nul autre que The Beastie Boys et Hey Ladies! Yeah. Hit the fucking brother. Bust it. Try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get females, get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad, are showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served and you're stone cold munching. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much, you nearly split your pants. A girl starts walking, guys start gawking. Sits down next to you and starts talking. Says she wanna dance cause she likes the groove. So come on, fatso, and just bust the move. The move. And you're wishing someone could cure your lonely condition. Looking for love in all the wrong places. No fine girls, just ugly faces. From frustration, first inclination is to become a monk and leave the situation. But every dark tunnel has a light of hope. So don't hang yourself with a celibate rope. New movie showing, so you're going. Could care less about the five you're blowing. Theater gets dark just to start the show. Then you spot a fine woman sitting in your row. She's dressed in yellow, she says hello. Come sit next to me, you fine fellow. You run over there without a second to lose. And what comes next? Hey, bust the move. Just bust the move. In the city, ladies look pretty. Guys tell jokes so they can seem witty. Tell a funny joke just to get some play. Then you try to make a move and she says no way. Girls are faking, goodness saking. They want a man who brings home the bacon. Got no money and you got no car, then you got no woman, and there you are. Some girls are sadistic, materialistic. Looking for a man makes them opportunistic. They're lying on the beach perpetrating a tan so that a brother with money can be their man. So on the beach you're strolling, real high rolling. Everything you have is yours and not stolen. A girl runs up with something to prove, so don't just stand there, bust the move. Break it down for me, fellas. Has a brother Larry. In 5 days from now he's gonna marry. He's hoping you can make it there if you can, cause in the ceremony you'll be the best man. You say neato, check your libido, and roll to the church in your new tuxedo. The bride walks down just to start the wedding, and there's one more girl you won't be getting. So you start thinking, then you start blinking. A bridemaid looks and thinks that you're winking. She thinks you're kinda cute, so she winks back. And now you're feeling really firm cause the girl is stacked. Reception's jumping, bass is pumping. Look at the girl and your heart starts stumping. Says she wanna dance to a different groove. Now you don't want to do, G, bust the move. Surprising, advising, realizing she's sizing me up. Her bikini small, heels tall. She said she liked the ocean. She showed me a beach, gave me a peach, and pulled out the suntan lotion. Now, I was fast, but this girl was faster. She was looking for a real good time. De retour avec Pat Moore à l'émission Playback Radio 80 et le tout dernier bloc hip-hop a ouvert avec la formation new-yorkaise formée en 1978, The Beastie Boys, avec la pièce Hey Ladies. Seul extrait à franchir les palmarès, tiré de l'album culte Paul's Boutique de 1989. Un album qui avait été un échec commercial comparé à leur album précédent License to Ill de 1986, un énorme succès commercial avec les hits Fight for Your Right et No Sleep Till Brooklyn, mais les critiques avaient adoré Paul's Boutique et maintenant cet album est considéré comme un chef-d'œuvre, le Sgt. Pepper's du hip-hop. Un album qui utilisait des samples au cube. En fait, tout a été créé à partir de samples. Et quand je parle de samples ou de sampling, là, je parle d'échantillonnage. Et cet album était littéralement fait comme une mosaïque de sons juxtaposés d'échantillonnage, mais de façon si stratégique et brillante. Et justement, sur Hey Ladies, on a des samples qui pouvaient venir de James Brown, Kool & the Gang, The Commodores et un band rock des années 70, Sweet, et j'en passe. Cette pièce était une track encore plus funk et disco que hip-hop, et si on se fie à son vidéoclip, très à la Saturday Night Fever, c'était une parodie, mais en même temps un hommage à l'époque disco. À leur tout début, les Beasties étaient un band punk et c'est à partir de l'album Cookie Puss de 1983 qu'ils ont transitionné au hip-hop. Bien avant les Vanilla Ice ou les M&M de ce monde, les Beasties étaient des blancs à faire du hip-hop qui ont fait leurs preuves et qui ont fini par être grandement respectés par la communauté noire et du hip-hop. Les Beastie Boys ne se résumaient pas qu'au hip-hop, ils jouaient beaucoup aussi dans l'alternatif, l'électro, le punk et même le métal à certains instants. Bref, un vrai band d'artistes innovateurs et expérimental qui se prenait pas non plus au sérieux. Et malheureusement, les Beastie Boys ont arrêté d'exister à partir de la mort de Adam MCA Yawk, qui est décédé du cancer en 2012. Par la suite, on a entendu la chanson Bust Move, le plus gros succès en carrière pour un jeune rappeur américain né en Grande-Bretagne du nom de Young MC. Cette pièce est sortie en 1989 sur son tout premier album intitulé Stone Cold Rhymin'. La chanson avait été numéro 1 en Australie et numéro 1 des palmarès danse urbain au Canada et s'est mérité le Grammy pour meilleure chanson rap en 1990. Et sur cette track, on peut entendre la participation de Flea, des Red Hot Chili Peppers à la basse. La troisième pièce était de nul autre que les Kings du hip-hop dans les années 80, un autre trio de New York, Run DMC, avec It's Like That, tiré de leur premier album éponyme de 1984, cet album considéré comme un pilier du hip-hop, avec une approche un peu plus tough, plus hardcore, avec ses sonorités et rythmes plus agressifs pour le temps. It's Like That est une pièce qui avait été remixée et échantillonnée maintes et maintes fois. Et pour les amateurs de dance music des années 90, le fameux poum poum du temps, il y en a sûrement qui se rappellent de la version remix de 1997 par Jason Nevins. Et la toute dernière pièce du bloc hip-hop était de LL Cool J avec Going Back to Cali, tiré de la trame sonore du film Less Than Zero de 1987, ainsi que sur son troisième album Walking with a Panther, qui est paru en 1989. Et tout comme les Beastie Boys, LL Cool J travaillait avec le producteur Rick Rubin sur l'étiquette de disque Def Jam Records. Rick Rubin, qui à l'époque travaillait aussi avec des rappers comme Public Enemy, mais aussi avec le band thrash metal Slayer. Il nous reste encore pas mal de musique, lâchez pas gang! Et justement, je vous passe ça avec un bloc de rockeuses des années 80. Feeding on your hungry Vous êtes toujours à Playback Radio 80 et ce tout dernier bloc rock au féminin a débuté avec la formation Scandal avec la chanteuse Patti Smith et la pièce The Warrior, tirée de leur deuxième album Warrior de 1984. Petite anecdote très intéressante, Eddie Van Halen avait invité Patti Smith à remplacer David Lee Roth lorsque ce dernier avait quitté le groupe Van Halen. Et elle a dû refuser puisqu'elle était enceinte de 8 mois, mais apparemment que ça faisait bien son affaire puisqu'elle n'était pas du tout intéressée à quitter New York pour aller s'installer sur la côte ouest à Los Angeles. La deuxième pièce était de la sexy Lita Ford, ancienne membre et lead guitar du band The Runaways, groupe mythique des années 70 composé uniquement de filles adolescentes qui savaient rocker pas à peu près, et on a entendu la chanson Let's Get Back to the Cave. Non, ce n'est pas une copie de la chanson de Santana Smooth de 1999. Selon moi, c'est plutôt le contraire. Et cette chanson est tirée de l'album Lita de 1988, son troisième album en carrière. Lita Ford, une rockeuse qui a fait fantasmer plusieurs jeunes ados dans les années 80. On se rappelle bien de son hit et vidéoclip Kiss Me Deadly, une pièce que j'aurais pu vous mettre, mais j'ai décidé de la garder pour plus tard, celle-là. Et pour faire suite dans les idées avec un autre membre pilier du groupe The Runaways, on a entendu Joan Jett and the Blackhearts avec Crimson and Clover, tiré de son deuxième album solo I Love Rock and Roll de 1981. Crimson and Clover est une chanson originale de 1968 de Tommy James and the Shondells, un groupe qu'on a entendu justement il y a seulement deux épisodes avant pour leur succès Money Money et I Think We're Alone Now lors du spécial Classic Covers. Et la quatrième pièce était de la légendaire petite rockeuse Pat Benatar et l'excellente I'm Gonna Follow You, extrait de son deuxième album Crimes of Passion de 1980, un album qui s'était vendu à 5 millions d'exemplaires à l'époque, un album contenant des classiques comme Hit Me With Your Best Shot, Treat Me Right et You Better Run. Bon, on n'y est pas, on repart en musique avec un bloc francophone. Playback Radio 80. nouvelle sur aquarelle. C'est pas pour moi ton cinéma, c'est pour un autre qui vient d'allumer ton corps, celui dont tu rêves parce que le chanteur que je suis n'a su te voiler d'or et te parler. We'll be right back. chanson. Dis-moi oui. Chez lui, Andy a toujours évité les ennuis. Andy se hâte, se méfie. Vous écoutez toujours le format mixtape à Playback Radio 80 et la première pièce du tout dernier bloc était du trio Les Bébés avec leur premier succès en carrière, Loulou, tiré de leur tout premier album Les Bébés de 1989. Les Bébés, groupe hyper populaire au Québec à la toute fin des années 80, début 90. Et la semaine dernière, on a appris la très triste nouvelle du décès du batteur François Jean, qui est décédé seulement à l'âge de 60 ans. J'ai passé Loulou en hommage à lui, ainsi qu'à Patrick Bourgeois, qui nous a quittés en 2017. J'espère qu'ils rockent ensemble de nouveau. Et pour faire suite logique, pour la deuxième pièce, je vous ai passé l'ex-amoureuse de François Jean, une chanteuse venue de Sainte-Foy, l'excellente et populaire à l'époque, Marie Carmen, avec ses pas perdus tirés de son premier album, Dans la peau, de 1989. Sur ce même album, on retrouvait plusieurs autres grands succès comme Pierre chanterait du rock, Faut pas que je panique et Oublié. Et avant d'avoir sa carrière solo, Marie Carmen avait fait partie de plusieurs formations en tant que choriste et l'une d'entre elles était la formation montréalaise The Box. La troisième pièce était d'un chanteur de Dolbeau-Mistassini au cœur du lac Saint-Jean, Mario Pelcha et son hit radio de 1988, Reste là, tiré de son troisième album intitulé Mario Pelcha. Et sur ce même album, on retrouvait les succès Ailleurs et Voyager sans toi. Mario, qui chantait depuis les années 70, avait eu un succès plutôt modeste avec ses deux albums précédents. Mais c'est avec ce troisième album que sa carrière s'est solidifiée et il n'a pas arrêté depuis. Rappelez-vous bien que c'est lui qui avait fait la première partie pour Madonna au Stade olympique de Montréal le 23 octobre 1993. Et pour la toute dernière pièce de ce dernier bloc d'émission, je vous ai présenté la pièce Andy de la formation française pop new wave Les Rita Mitsuko. Cette chanson extrait de leur deuxième album The No Comprendo de 1986. Andy était le deuxième plus gros succès du groupe suivant Marcia Bella qui est sorti 2 ans auparavant ici au Québec comme en France. Ce duo, formé en 1979, était composé de Catherine Ringer à la voix et Fred Chichin à la guitare. C'était un vrai couple dans la vie et ils composaient toute leur musique ensemble. Sans jamais se prendre au sérieux, les Rita étaient très hétéroclites dans leur démarche musicale et artistique et très avant-garde. Ils pouvaient jouer un peu dans le funk, un peu dans le new wave, même un peu dans le jazz. Et malheureusement, le groupe a pris fin à la mort de Fred en 2007. Et les Rita Mitsuko restent toujours un groupe culte de la francophonie ainsi que de la décennie 80. Alors, c'est là-dessus que se termine cet épisode 3. Oui, oui, on est rendu là. Il nous en reste une toute dernière, mais juste avant, je voulais vous remercier pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et partager ça. Vous connaissez sans doute des personnes qui aiment la musique de l'époque et qui pourraient apprécier cette émission. Et pour le mois prochain, je vous présente le spécial 40 ans, le best de 1980. Et oui, 40 ans qui s'achèvent. On n'entendra que des hits venant tout droit de l'année 1980. Sérieusement, je vous dis tout de suite, cet épisode-là, à ne pas manquer, que de la bombe, que de gros classiques, que de gros souvenirs. Dans exactement un mois, ça va être présenté le 26 décembre. Et pour rester dans cette veine 1980, en terminant, je veux rendre un humble hommage à une légende qui s'est éteinte il y a justement 40 ans. Le 8 décembre prochain soulignera les 40 ans du décès de John Lennon. Wow, hein? Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais tout jeune, mais déjà un gros fan des Beatles. Je me rappelle d'avoir été scotché à la télé en regardant les nouvelles et les émissions spéciales sur John Lennon. C'est arrivé juste avant les fêtes de 1980. Je m'en rappellerai toujours. Alors, on se quitte avec ce gros classique de 1980, l'excellente Just Like Starting Over. En souhaitant qu'on pourra recommencer à nouveau, repartir à neuf pour 2021. Alors tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly, but when starting over, starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Starting over, starting over. Why don't we take off alone? Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Time, no one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting.